Chapitre 10e. Peter Paulus Brown de Sheffield, abandonné par ses canotiers sur la rive hollandaise du Haut-Maroni, cria, tempêta, se mit dans une colère bleue. Il montra le poing aux arbres, invectiva le ciel, chargea de malédictions les noirs infidèles et menaça la forêt qui n'en pouvait mettre de l'intervention anglaise. Une frégate, deux frégates, un cuirassé avec des soldats de Sa Majesté appelés par le consul ou une escadre avec des canons de Sir William Armstrong viendra sur cette fleuve pour punir vous. Oh, oh, je étais sujet anglais. Le gouvernement de Sa Majesté ne laissait jamais insulter les sujets anglais. Peter Paulus, quand il naviguait, était ordinairement taciturne mais inoffensif. Confiné dans son égoïsme d'homme qui a faim et qui digère, il limitait l'univers aux parois de son estomac sans plus s'occuper de qui que ce fût, même de sa famille. Mrs. Arabella, Miss Lucy et Miss Mary ayant leur existence assurée, l'unique aspiration de leur cœur devait être la parfaite intégrité du viscère de Master Brown. Comme le navigation pouvait seul faire fonctionner ce viscère, Peter Paulus ne doutait pas qu'ils ne fussent enchantés de sillonner en tous sens la partie liquide de notre planète. Les pauvres femmes souffraient sans se plaindre les tortures de ce cosmopolitisme enragé et se confinaient dans leur mutuelle tendresse. Rien de charmant et de gracieux comme ce groupe féminin. La mère, jeune encore et toujours belle, semblait la sœur aînée des deux Misses. Pour être unie à un grotesque maniaque, Mrs. Brown n'en était pas moins une femme de haute valeur dont le cœur égalait l'intelligence. Depuis la transformation de son mari en juif errant splénique, ou plutôt gastralgique, elle avait parachevé l'éducation de ses filles et utilement employé les loisirs, hélas trop longs, que lui laissaient ses interminables courses à travers le monde. Miss Lucy et Miss Mary étaient donc deux jeunes filles accomplies au moral, et ce qui n'a jamais rien gâté, ravissantes au physique. Âgées l'une de 19 ans, l'autre de 18, on les eut prises pour deux jumelles. Elles étaient blondes l'une et l'autre, de cet admirable blond cendré qui adoucit et estompe en quelque sorte la figure. Mais par une bizarrerie charmante, leurs grands yeux noirs donnaient à leur physionomie une expression de fermeté qui ajoutait à leur apparence un peu triste et maladive un charme de plus. Leurs mains petites, élégantes et vigoureuses, pourtant, donnaient volontiers cette cordiale poignée de main anglaise et leurs pieds, chose rare dans le Royaume-Uni, eussent pu rivaliser avec ceux d'une Parisienne de race. Les pauvres enfants et leur mère, toujours malades en voyage, étaient bien pâles, bien amaigris. Il leur eût suffi d'un peu de repos pour reprendre ces belles couleurs qui sont le privilège des Anglaises, sans nuire pour cela tant d'aspects différents, vu tant de peuples divers, couru tant d'aventures et affronté tant de périls, que leur situation présente, quelque étrange qu'elle fût, ne leur semblait pas le moins du monde anormale. Cette solitude, cet abandon sur la rive d'un fleuve presque inconnu, ne constituant pour elle qu'un simple incident. La plupart des femmes, en leur lieu et place, eussent jeté les hauts cris, et se fussent regardées comme perdues. Elles, au contraire, eussent été tentées de se réjouir de ce contretemps qui les arrachait au tangage et au roulis si Master Brown n'eût dû en ressentir aussi douloureusement le contre-coup. La manie du chef de la famille était pour elles chose sacrée. Elles fussent mortes à la peine plutôt que de laisser échapper une plainte. Les Boches, dans leur fuite, avaient eu la loyauté de laisser aux Blancs leurs effets et leurs provisions. Ces grands enfants sont honnêtes à leur manière. Si, à l'occasion, ils ne regardent pas, chose rare, à rompre un engagement qui leur pèse, ils se font, en revanche, un cas de conscience de détourner quoi que ce fût. On n'a pas d'exemple d'un Boche ou d'un Bonnie qui aurait enlevé de l'argent. Ils osent à peine, le cas échéant, s'approprier la quantité de vivres nécessaires pour pourvoir à leur rapatriement, mais seulement quand ils sont à bout de subsistance. Somme toute, Peter Paulus avait un carbet suffisant pour l'abriter lui et sa famille. Il avait des hamacs et des provisions, et comme la saison des pluies était passée, les intempéries n'étaient plus à craindre. Mais l'enragé monomane pensait bien à cela, vraiment. Depuis qu'il était sur la terre ferme, depuis que son diaphragme n'était plus chatouillé par les mouvements du navire, Master Brown était devenu d'une humeur de dogue. Ni les douces paroles de Mrs. Arabella, ni les caresses des deux jeunes filles n'avaient prise sur cet homme chez lequel l'estomac s'était à la longue substitué au cœur. Il fallait pourtant que, bon gré mal gré, Peter Paulus renonça à la navigation, et cela l'enrageait. S'il eût connu les mœurs des Noirs du Haut-Maroni, il eut pris patience, en sachant que son escale forcée ne dut pas se prolonger longtemps. Tel est en effet le respect que professent pour les Blancs, les Boches, les Boni, et même les Yukas et les Poligoudou, qu'ils ne voudraient jamais qu'il arrivât aux Européens un malheur par leur faute. Ce sentiment inné chez eux est encore augmenté par la reconnaissance des bons offices rendus par les Blancs et aussi par la terreur qu'ils ont des représailles. Ils savent parfaitement que les gouvernements coloniaux ne plaisantent pas et qu'ils ont tout à perdre mais rien à gagner en molestant les voyageurs. En conséquence, il y avait fort à présumer qu'avant une dizaine de jours, un canot serait envoyé par les déserteurs mais monté par d'autres pagayeurs. Le grand man, qui a tout intérêt à rester en bon terme avec les autorités, serait plutôt venu en personne pour rapatrier les abandonnés. Peter Paulus, après avoir tempêté une heure, se calma. Il ouvrit mélancoliquement une boîte de corned beef, fendit l'enveloppe d'étain d'une caisse à biscuits, offrit à sa femme et à ses enfants chacune un morceau de viande, s'accroupit sur le sol et mangea du bout des dents. Tout en écrasant sous ses puissantes molaires la briquette comestible, Peter Paulus poussait de profonds soupirs. N'allez pas croire qu'il s'attendrit le moins du monde à la position au moins étrange, sinon périlleuse, des deux jeunes filles et de leur mère. Oh non, il leur enviait leur appétit, et regrettait de ne pouvoir vider avec autant de prestesse le petit plat de fer blanc dans lequel elles picoraient gracieusement leur maigre repas. Ils se torturaient en outre le cerveau pour en faire sortir une idée. Creuser un canot, mais un mois n'eût pas suffi à un pareil travail. Il ne possédait d'ailleurs aucun instrument. Ah, s'il avait eu quelques bons outils en acier de Sheffield. Ah oh, si je construisais un radeau. Very well, un radeau. Mais la vue de deux caïmans qui glissaient lentement à la gueule entrouverte coupa court à cette velléité nautique. Le bruit de leurs mâchoires se refermant de temps en temps avec un formidable clapotement de cisaille l'immobilisa net. Ah oh, murmura-t-il tristement. Je étais prisonnier sur cette fleuve. Ce était pour moi une commédation bien cruelle. Ah oh. Mon ami, mon cher Peter, dit doucement Mrs. Arabella, et en très bon français, prenez courage. Cette infortune finira bientôt. Puis nous vous aimerons tant, n'est-ce pas, Lucie, n'est-ce pas, Marie? Oh oui, chère mère, répondaient les deux enfants en embrassant tendrement leur père toujours bourru comme un tronc d'orme. Ah oh, ajouta, mais en anglais, Peter Paulus. I'm lost. Je me sens mourir. Le corned beef est une viande détestable, et l'immobilité me tuera. Pour que Master Brown de Sheffield parlât anglais, il fallait que la situation fût bien grave. 8 jours s'écoulèrent pourtant sans incident, mais aussi sans aucun changement dans cette existence, qui eût été extraordinaire pour le premier venu, mais absolument baroque pour un coutelier de Sheffield atteint de gastralgie et de monomanie errante. La vie se passait pour Peter Paulus à entretenir un feu allumé dans l'espoir d'attirer quelques canotiers et à scruter, mais en vain, le fleuve toujours solitaire. Entre-temps, et avec la régularité d'un rhumatisme chronique, Master Brown pratiquait l'autopsie d'une boîte de corned beef alternée avec du bœuf à la mode, du gigot, du thon ou des sardines à l'huile. Sa mélancolie était tournée à l'hypocondrie, il n'écorchait plus le français. Le matin du 9e jour, il jetait à pleine brassée du bois sur son feu tout en inspectant le marronnier quand un cri lui échappa. 3 pirogues, pleines à couler bas les passagers dont les torses couleur de briques tranchaient crûment sur les coques brunes des légers bâtiments, faisaient force de pagaie vers le campement des Européens. La joie, l'espérance se peignaient sur les traits de Peter Paulus, dont le gosier expectora tout d'une haleine une phrase française. « Arabella, venez, Lucie, regardez, Mary, voyez, ces petites canottes, avec de bonnes peaux rouges. Oh, l'espérance de partir, la joie de retourner sur un steamer. » Puis il se mit à agiter ses longs bras, à la façon d'un télégraphe de chape, en faisant retentir le rivage de hurrahs formidables. Les peaux rouges abordaient avec leur impassibilité habituelle. Rien sur leur visage ne trahissait l'étonnement que leur causait cette apparition imprévue. Le dernier hurrah de Peter Paulus s'éteignit brusquement dans sa gorge. Oh, Marie, Lucie, Arabella, cachez-vous, ne regardez pas. Ces peaux rouges étaient very shocking. Oh, cette indécente nudité était une chose abominable. La mise des nouveaux venus était en effet susceptible d'effaroucher des gens encore moins formalistes que les Anglais, qui poussent la pruderie jusqu'à ne pas dénommer certaines parties de l'habillement. Tous, hommes, femmes et enfants, vêtus de leur pudeur et d'un rayon de soleil, s'avançaient avec une candeur digne de nos premiers parents avant le péché. La seule concession qu'ils eussent faite à la décence était d'avoir arboré le calimbé. Les autres pièces du costume se composaient invariablement de colliers en wabé, de bracelets et de jarretières pour les dames. Les hommes portaient en outre quelques plumes dans les cheveux. Un seul avait une chemise. Il était coiffé d'un vieux chapeau de feutre gris et s'appuyait sur une canne à pommes d'arrosoir, l'insigne du commandement. C'était le chef, évidemment. Il tendit la main à Peter Paulus et lui dit « Bonjour, mouché !» Les missis et leur mère, s'étant retirées sous le carbet, Master Brown, qui avait intérêt à ménager les Indiens, surmonta ses répugnances et ne voulut pas trop approfondir ce que leur situation avait de shocking. Il serra la main que lui tendait son interlocuteur et lui répondit « J'avais l'honneur de saluer vous. Moi, c'était Captain Wimpy. « Oh !» murmura en aparté Peter Paulus. « Ce gentleman connaissait les usages du monde. Il présentait lui d'une façon very convenable. Capitaine Wimpy, je étais Master Peter Paulus Brown de Sheffield. Hein ?» répondit le capitaine indien qui n'avait rien compris. « Permettez, capitaine, que je fasse à vous une petite réflexion. Le habillement de vos soldats et des dames, il était très léger. Je ne pouvais pas présenter vous à Mrs. Brown. » L'Indien n'avait pas davantage compris cette phrase que les précédentes. Mais l'Anglais, ayant accompagné sa remarque d'une pantomime expressive, le capitaine Wimpy répondit « Où que vous voulez m'en mettre, mon culotté ?» Puis il ajouta une phrase en indien. Un de ses hommes tira d'un canot un pagara, en exhuma un vieux pantalon gris de fer, glorieux débris d'un uniforme d'infanterie de marine usé jusqu'à la corde et horriblement maculé d'huile rance et de roucou. Le capitaine Wimpy descendit majestueusement dans les deux tubes d'étoffe et assujettit la ceinture sur ses hanches avec une liane, en ayant bien soin de laisser gracieusement flotter derrière et devant les deux faces de sa chemise. Cette concession rasséréna d'autant plus complètement Peter Paulus que les autres Indiens, préalablement munis de pantalons analogues, se costumèrent coram populo sans la moindre observation et en manifestant ainsi le désir qu'ils avaient d'être agréables à l'Européen. Les dames et les enfants conservèrent leur costume madamique, mais, ma foi, à la guerre comme à la guerre, le principe était désormais sauvegardé. Pendant que Master Brown fêtait l'avenue de ses hôtes en débouchant quelques bouteilles de tafia, Mrs. Arabella et les jeunes filles apparaissaient au regard étonné et ravi de la horde. Les Indiens, qui avaient vu bien rarement des femmes blanches, s'émerveillaient à la vue des Européennes et poussaient de petits gloussements d'admiration en contemplant leurs gracieux visages, leurs cheveux blonds, leurs habillements. Sur ces entrefaites, Miss Lucy eut l'heureuse inspiration de mettre en morceaux une petite parure de jais et d'en distribuer les perles à la ronde. Cette largesse, jointe aux rasades que versait libéralement son père, acheva de donner au rapport une excessive cordialité. Ces peaux rouges étaient d'ailleurs à demi civilisés, grâce aux fréquentes relations qu'ils ont avec les Français de Saint-Laurent et les Hollandais d'Albina. S'ils n'ont pas renoncé à leur vie errante, s'ils ont conservé les coutumes de leur père, le contact des Blancs les a un peu humanisés. Ils habitent en temps ordinaire un village situé sur la rive hollandaise à peu près en face de notre colonie pénitentiaire. Ce village, bien bâti, agréablement situé, se compose d'une trentaine de carbets au centre desquels s'élève l'immense demeure de Wimpy. Le capitaine Wimpy, qui n'est pas un type de fantaisie, est un personnage chez les Galibis. Son autorité, officiellement reconnue par le gouvernement hollandais, s'étend sur tous les Indiens de la côte, depuis la pointe Galibi jusqu'au confluent de l'Awa et du Tapanahoni, c'est-à-dire plus de 200 kilomètres. Comme tous les hommes de sa race, Wimpy est cosmopolite à rendre des points à Master Brown lui-même. Sans cesse en mouvement, se déplaçant en gré de sa fantaisie, il vit partout et n'a d'autre aspiration que cette liberté d'animal sauvage à laquelle il sacrifie tout. L'Indien, en effet, ne saurait s'astreindre à d'autres règles que celles de son caprice. S'il suppose, à tort ou à raison, qu'une cause quelconque pourrait entraver sa liberté, il déménage un beau matin, après avoir entassé pêle-mêle dans sa pirogue, femmes, enfants, bagages, chaudrons, chiens, provisions. Il abandonne son abatis et s'en va à l'aventure jusqu'au moment de la récolte. il n'a d'autre souci que celui de la vie matérielle. Un chaudron, un couis, une platine, son arc et ses flèches, voilà son vademécum, à peine aussi compliqué que celui du philosophe de la Grèce ancienne. Sa religion, qui n'est qu'un manichéisme grossier, s'accommode à toutes les circonstances de sa vie errante. Il croit à l'antagonisme du bien et du mal. Il fait tout ce qu'il peut pour apaiser le mauvais esprit et satisfaire le bon. Avec une bonne dose de résignation qui pourrait se comparer au fatalisme musulman, l'Indien n'est jamais malheureux. En thèse générale, sauf de rares exceptions, c'est un philosophe qui cherche à dormir le plus longtemps possible, à ne pas travailler et à boire beaucoup de tafia. Il est généralement très doux, ou plutôt complètement indifférent. C'est en vain que les missionnaires ont de tout temps cherché à les convertir au christianisme. Ils se laissent baptiser et témoignent au Mompé, mon père, les égards qu'ils professent pour tous les Blancs. Ainsi, le lieutenant de Wempi, qui lui succédera comme capitaine, s'appelle Simon. Un autre se nomme Jean-Pierre, un troisième Polo, Paul. Ils ont tous été baptisés plutôt 10 fois qu'une. Voici pourquoi. Les membres du clergé de la Guyane française appartiennent à la congrégation des Maristes. Ils font de fréquentes et lointaines excursions. Rarement, le même missionnaire revient au même lieu. Les Peaux-Rouges, sachant que les prédications se terminent par une distribution de tafia, assez légère à vrai dire, ne font nulle difficulté pour les entendre. Ils se groupent volontiers autour du prêtre, qu'ils appellent Mompé, et lui demandent plus volontiers encore le baptême qui est toujours l'occasion d'une fête. Le mariste, ignorant si le néophyte a été ou n'a pas été baptisé, lui confère le sacrement qu'il a généralement reçu plusieurs fois, ce dont il a bien besoin de se défendre vis-à-vis du missionnaire. La conversation entre Wempi et Master Brown eut langui, sans les accolades fréquentes données par le capitaine à son couis que Peter Paulus remplissait toujours. L'Indien, parlant le petit nègre, et l'Européen, son français anglo-saxon, les vocables devenaient de part et d'autre complètement inintelligibles. Mais Wempi avait, grâce à ses relations avec les Hollandais, accroché quelques bribes d'anglais. Les mots de gin, libre, guinée, shilling lui étaient familiers. Peter Paulus parla de pirogue et fit le geste de pagayer. Wempi répondit libre et florin, l'on allait bientôt s'entendre. Pendant ce temps, Mrs. Arabella et les jeunes filles continuaient avec les Indiennes une conversation à bâton rompu et fréquemment interrompue par des gestes souvent interprétés à l'envers. Tout était un sujet d'étonnement pour les trois Anglaises, grâce à l'imprévu de cette situation sans précédent. Au moment où elle pensait avoir fait éclore une idée dans le cerveau d'une de ces pauvres créatures, ou éveillé un sentiment dans son cœur, vite elle se précipitait vers un couis plein de tafia, en absorbait gloutonnement une lampée, retirait son sein de la bouche de son enfant, et entonnait dans l'estomac du pauvre petit être gorgé de lait une rasade devant laquelle eut reculé un Européen. La plupart étaient uniformément laides, mais non sans prétention. Leur stature petite, leur taille carrée, leur tête grosse aux pommettes saillantes, leurs yeux bridés en font des êtres peu séduisants. Mais la coquetterie ne serait pas plus abdiquée sur les rives du fleuve équinoxial que sur les bords de la Seine ou de la Tamise. Jeunes et vieilles portaient sans exception de larges jarretières placées au-dessous du genou et au-dessus de la cheville. Ces jarretières rougies par le roucou sont serrées autant qu'il est possible et interceptent la circulation du sang. Cette compression amène l'enflure du mollet et lui donne un volume énorme qui est le comble de l'élégance. Aussi, les muscles de la jambe, n'ayant plus leur jeu habituel ni leur élasticité, la locomotion est très difficile. Les victimes de cette coutume barbare s'avancent sur la pointe du pied avec la démarche hésitante et gauche d'un échassier. Après tout, avons-nous le droit de médire des jarretières et des mollets de ces pauvres sauvagesses au profit des corsets et des bottines des femmes civilisées? Sur ces entrefaites, Miss Lucy, qu'une violente démangeaison ressentie depuis 2 jours à la plante d'un pied avait fort incommodée, fut contrainte de se retirer dans le carbet, tant son malaise devint intense. Une Indienne la suivit curieusement. La jeune fille dut retirer sa chaussure. Un de ses orteils était légèrement huméfié et une imperceptible tache rosée tranchait légèrement sur la blancheur de l'épiderme. 2 petites taches analogues se remarquaient à la surface plantaire. Le prurit devint de plus en plus violent et Miss Lucy, en dépit de la présence de l'indiscrète Peau-Rouge, se gratta avec un acharnement irrésistible. L'Indienne s'approcha et lui dit doucement « Vous gain une chic dans pied là. Pas gratter, non. Grattez-li mauvais trop beaucoup. Laissez ça, Mokeotelikaba. » La jeune fille comprit vaguement le patois de son interlocutrice et lui tendit son pied. « Ça même, Mosave, Mokeotechikela. » À l'aide d'une épingle, elle cerna chacun des petits points, l'un après l'autre, et décolla l'épiderme avec une telle dextérité que Miss Lucie ne sentit absolument rien. 2 minutes s'étaient à peine écoulées que l'habile opératrice lui montrait à la pointe de l'épingle 3 petites vésicules blanchâtres du volume d'un fort grain de millet. La jeune Anglaise avait éprouvé un soulagement instantané. « Attendez, petit morceau. » L'Indienne sortit aussitôt du carbet, avisa un de ses compagnons qui fumait, prit la cendre de sa pipe et revint près de Miss Lucie. L'extraction des vésicules avait produit 3 petits trous. Elle les remplit avec cette cendre de tabac et engagea la jeune fille à remettre sa chaussure. « Ça qu'est fini. Ou qu'a jamais marché pieds nus, non. Ça, Michan Chic, entrait trop beaucoup côté petits pieds blancs là. » Miss Lucie, heureuse de cette bizarre et salutaire intervention, allait remercier la piaille improvisée. Quant à sa profonde stupeur, elle vit celle-ci mettre l'épingle dans sa bouche comme si elle allait l'avaler. Elle s'aperçut bientôt de son erreur en voyant l'épingle traverser la lèvre inférieure, se joindre à 3 ou 4 autres restés en place et dont la réunion formait un faisceau descendant comme une barbiche jusque sur le menton. Afin d'expliquer la nécessité des épingles pour ces braves gens qui portent un costume aussi rudimentaire, il est utile de dire en quelques mots ce que c'est que la chique. La chique, ou puce pénétrante, est un insecte bien plus petit et infiniment plus incommode que la puce ordinaire. Elle appartient aux Antilles et à l'Amérique méridionale où elle est très commune. Elle se trouve dans le sable, la poussière et surtout dans les carbets abandonnés. Elle pénètre rapidement entre cuir et chair sans occasionner la moindre sensation. Elle se gonfle par l'absorption des liquides qu'elle aspire et acquiert en peu de temps un volume pouvant égaler celui d'un poids. Sa présence est signalée au bout de 2 jours par une vive démangeaison. La tête et le thorax n'apparaissent plus que comme un point noir dans la transparence de la peau. Le petit vampire, commodément installé en plein organisme vivant, opère bientôt sa ponte. La famille qui éclot est fort nombreuse. Les petites chiques attaquent les tissus et produisant des ulcères malins quelquefois mortels et nécessitant parfois l'amputation de l'orteil. Les pieds nus des noirs et des peaux rouges sont très fréquemment atteints, mais les uns et les autres possèdent une étonnante dextérité pour arracher le petit monstre de son lieu d'élection. En dépit de son habileté, il n'est pas rare pourtant de voir des nègres ou des indiens privés d'une ou plusieurs phalanges. Leurs pieds sont en outre souvent rongés d'ulcères, auxquels ils donnent le nom de crabe et de chihuahua, qui résistent pendant longtemps aux plus énergiques agents thérapeutiques. Les femmes sont généralement chargées d'extraire ces parasites incommodes. L'épingle est l'instrument indispensable à cette extraction. Mais où piquer ces épingles qu'il faut avoir à chaque instant sous la main quand on ne possède ni étui, ni pelote, ni poche? La difficulté est résolue d'une façon singulière. Les Indiennes se percent la lèvre inférieure d'une petite ouverture qui persiste après guérison de la plaie. Elles introduisent dans cet ingénieux étui les épingles de la pointe tournées en dehors. Les tiges métalliques immobilisées par la rétractation du tissu ne peuvent glisser et évoluent bizarrement quand l'Indienne rit, parle et, trop souvent, hélas, sanglote. Elles ne sont nullement incommodées par ces corps étrangers. Elles mangent et boivent sans paraître y faire attention. La présence de ces épingles leur est même si familière qu'elles les retirent sans y mettre la main et par un simple mouvement combiné de la langue et des dents. Telle était la manœuvre qui avait si fort intrigué Miss Lucie lors de l'extraction des parasites dont les Européens ne sont pas non plus indemnes. L'échange de propos et de gestes incompris ou interprétés à l'envers continuait pendant ce temps entre Peter Paulus Brown et le capitaine Wempy. Ce dernier, qui était bleu passé macaque, expression créole indiquant l'ivresse la plus complète, voulait opérer ses préparatifs de départ. Pour la 10e fois, il répétait à Master Brown qu'il était parti pour aller enivrer une crique, que c'était l'affaire de 4 jours. « Pour prendre poisson, pour Bucanelli !» Que passé ce temps, il reviendrait et prendrait comme passager l'Anglais et sa famille. Ce dernier n'entendait pas plus raison qu'une mule catalane. « Je voulais partir tout de suite, entendez-vous. J'ai donné à vous beaucoup de guinées, de livres, de florins, un chèque pour la banque de Suriname. » Peine inutile, les décisions des Indiens sont immuables. Tout ce que Peter Paulus pourrait gagner à insister serait d'empêcher le retour de Wempy et de son clan. Il fallut bon gré mal gré accepter les conditions du port rouge et attendre encore 4 mortelles journées. Les galibis partis, Master Brown rongeait son frein depuis près de 36 heures, partageant son temps entre l'autopsie des boîtes à conserve et l'entretien de son feu. Il gardait un silence farouche et voyait non sans envie sa femme et ses filles manger de bon appétit, pendant que, privé des joies de la navigation, il s'étiolait en grillant du bout des dents l'endobage et le poisson à l'huile. La deuxième nuit était à moitié écoulée. Le brasier luisait comme un phare. Peter Paulus songeait. Un bruit de rame le fit tressaillir. Il se leva brusquement et appela de toute la force de ses poumons. Le clapotement des rames cessa. Une horrible imprécation retentit dans la nuit. L'anglais entendit un froissement de branches. Son feu s'éteignit instantanément, étouffé par une cause inconnue. L'obscurité devint complète. Peter Paulus allait protester contre cette violation de domicile. Il n'en eut pas le temps. Des mains brutales le saisirent, le garrottèrent et le bâillonnèrent. Il se sentit emporté à travers les broussailles et rudement jeté au fond d'un canot. Puis le bruit des pagaies recommença, l'embarcation reprit sa course. « C'est égal, » pensait Peter Paulus assommé, hors d'état de faire un mouvement, et sans même penser à sa femme et à ses enfants. Ce n'était encore le Navigation.